Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107FM. Aujourd'hui, allez, je continue ma série de petites histoires dans le bouquin L'Anthologie du Suspense, qui est présenté par Alfred Hitchcock Magazine. C'est paru en automne 1967. Et puis là, j'ai bien aimé l'histoire. Euménides. L'auteur, c'est Brady J. Hanna, mais je l'ai trouvé sur Internet. Voilà, donc je vais commencer. Juan Peralta lança dans les cages les derniers morceaux d'abat du poulet, s'essuya les mains sur un vieux sac de toile, puis envoya le sac dans un coin des écuries. Ensuite, il me montra une cage qui renfermait un magnifique faucon dressé pour la chasse. Un rayon de soleil pénétrant par une fenêtre sans vide dorait le plumage de l'oiseau vibrant d'impatience dans l'attente. Hasardais-je à dire. Combien en demandez-vous ? Un éclair passa dans les yeux sombres de Juan, des yeux jeunes avec un vieux visage. Euménides n'est pas à vendre, Sénor. Euménides est pour le général, murmura-t-il avec une violence contenue. En disant cela, Juan ressemblait en quelque sorte plus encore à un oiseau de proie que les faucons dont il avait la charge. Son nez crochu, semblable à un bec sombre, s'avançait au-dessus de sa bouche d'oiseau et ses longs bras, couverts d'un vaste châle, faisaient penser aux ailes repliées d'un aigle se reposant entre deux vols. C'était le dernier descendant des Peralta, une noble famille. Jadis, il s'était consacré à l'élevage de bœufs de première qualité, de beaux chevaux, de fiers taureaux de combat. Tout avait disparu à présent, les bœufs comme les chevaux et les taureaux. La terre aussi avait disparu. Tout s'était volatilisé afin de payer les impôts exigés par le général José Rivera. Il faut de l'argent pour libérer un peuple de ses oppresseurs, disait le général. Juan vivait dans l'hacienda en ruine qui jadis avait connu la gaieté, le claquement des castagnettes, symbole d'un temps heureux. Dans les écuries qui s'écroulaient, il élevait quelques poulets et il gagnait quelques pesos en vendant ses faucons dressés et les spécimens zoologiques qu'il chassait sur les terres semi-désertiques qui bordaient à l'ouest son ancienne propriété. C'est pour acheter quelques-uns de ces spécimens que j'étais venue. Dans un autre coin des écuries, des cages en bois étaient alignées contre le mur. Je remarquai avec étonnement que la plupart d'entre elles contenaient des serpents à sonnette. Les autres habitaient quelques chauves-souris, des lézards, des prinosomes et des scorpions. Tandis que je choisissais les spécimens que je désirais, je mentionnais cette prépondérance de serpents dans sa collection. « Comment en attrapez-vous autant ? Cela doit être dangereux !»« J'ai de l'aide, Senor, » me répondit-il. « Euménides est un bon élève. Mais demain, j'ai bien peur de devoir le perdre. Le général m'a prévenu. Demain, il viendra choisir un faucon. Et lequel prendra-t-il, Senor ? Eménides, bien sûr. Ne pouvez-vous le persuader d'en choisir un autre ? Le général prend ce que bon lui semble, Senor, dit Juan d'un ton sans réplique. Il emportera Eménides. Après avoir déjeuné avec Juan, qui m'invita à passer également la nuit chez lui, je décidai de passer l'après-midi à explorer les terres qui s'étendaient à l'ouest, cette région semi-désertique où de maigres pâturages se mêlaient aux pierres surchauffées. J'espérais y trouver quelques autres spécimens que je pourrais ramener au collège où j'enseignais la biologie. Je grimpais d'abord au faîte d'un talus parsemé de cactus et de sauge surchauffés. L'âcreté de leurs odeurs mêlées raviva en moi le souvenir nostalgique de mes randonnées passées dans notre ranch du Texas. Étant moi-même issue d'une famille de cultivateurs, je comprenais très bien quels pouvaient être les sentiments de Juan Peralta dépouillé de ses terres. Je rassemblais quelques insectes et quelques pierres intéressantes, et à 4 heures, j'étais de nouveau en haut du talus. Je me reposais à l'ombre d'un chêne nain, le dos appuyé au tronc noueux. Je n'étais là que depuis un instant, lorsque je vis Juan sortir des écuries et venir dans ma direction. J'examinais avec étonnement sa silhouette grotesque, tandis qu'il grimpait le talus. Il passa à 20 mètres de moi sans me voir. Il portait un masque, du genre de ceux que portent les escrimeurs ou les lutteurs. Il était vêtu d'une veste épaisse et capitonnée et portait d'énormes gants. Un faucon était perché sur son bras replié et même de loin, je reconnus Eumenides. Juan s'arrêta au sommet du talus et je vis le faucon quitter son bras et s'envoler vers le ciel. Il vola vers l'ouest, puis se mit à effectuer de vastes cercles. Quelques instants après, l'oiseau plongea vers une mare asséchée, bordée de buissons. Puis il reparut, tenant dans ses serres un objet semblable à une corde, un objet qui se débattait. Je n'eus aucune peine à identifier cet objet comme étant un serpent à sonnette de grande taille. L'oiseau fit un demi-cercle, puis vola droit vers Juan. Il atterrit sur son épaule et lova autour de son cou bien protégé le reptile qui luttait. Juan saisit le serpent mouvant de sa main gantée et l'enfuit dans un sac de grosse toile. Pour le récompenser, il donna au faucon un petit morceau de poulet. La même scène se répéta plusieurs fois lorsque le sac fut grouillant de serpents. Juan le referma soigneusement et son faucon sur le bras, il retourna aux écuries. L'abondance de serpents dans sa collection ne m'étonnait plus. Le lendemain matin, Juan et moi bavardions dans le patio ombragé. « Mais lorsque votre propriété fut confisquée, Seigneur Peralta, n'avez-vous pas essayé de faire appel auprès du gouverneur ?»« Bien sûr que si, Seigneur. Bien souvent, mais sans résultat. Le gouverneur croit ce que dit le général. » Et à la vérité, celui qui juge sur des mots n'est pas un juge, Sénor. Il n'est qu'un écho. Quand le général commença-t-il à s'intéresser à la fauconnerie ? Il y a à peu près 3 ans, Sénor, me répondit Juan, quelques mois avant que je commence à en faire l'élevage et le dressage. Aviez-vous jamais pensé que le général pourrait s'intéresser à vos faucons ? Cela m'a semblé tout à fait possible, Seigneur, tout à fait possible. Les yeux noirs de Juan pétillaient de... Mais de quoi au juste ? De malice ? De triomphe ? De méchanceté ? Je ne savais que penser. Nous fûmes interrompus par un bruit de moteur. « C'est le général qui vient chercher le faucon », annonça Juan. Les voitures, au nombre de 5, étaient noires et brillantes. Elles firent le tour des écuries et s'arrêtèrent dans la cour. Une 20aine d'hommes en uniforme en descendirent et vinrent à notre rencontre, l'air important. À leur tête se pavanait un homme à l'uniforme étincelant, véritable tas de graisse à la démarche de canard. Il suait une sueur grasse et son visage reflétait un air de très grande importance. « Bonjour, Sénor !» Peralta, dit-il d'une voix grasse et sifflante. « Les oiseaux, ils sont dans les écuries ?» Sans attendre la réponse, il se dirigea vers les écuries. Ses hommes, reflets de sa gloire, marchaient sur ses talons. Bientôt, le général ressortit. Euménidès sur son bras. Celui-ci est-il bien dressé, Sénor Peralta ? Très bien dressé, lui assura Juan. Très, très bien dressé. Nous allons voir, dit le général. Il se dirigea vers le talus, ses hommes sur ses talons. Lorsqu'il atteignit le sommet, il lâcha le faucon, puis attendit, énorme et fier, que son dernier domestique en date lui apporte ce qui, d'ailleurs, lui appartenait déjà. Je fus soudain frappé avec force par la vérité et l'horreur de la chose m'apparut. Je me précipitai vers le talus et je me mis à crier. Il était trop tard. L'issue était inévitable. Je vis l'oiseau faire un vol plané pour atterrir sur l'épaule du général. Il déposa autour du cou nu le reptile furieux. Le général hurla et, pris de panique, voulut arracher l'animal à la longue fourchue qui serrait son cou. Il réussit à se dégager et lança au loin le serpent. Puis il s'effondra et roula en bas du talus en hurlant. 20 minutes plus tard, pris de convulsions, il mourut dans la cour. Le serpent l'avait mordu près de la jugulaire et le résultat avait été inévitable vu la mauvaise condition physique du général. Tous les efforts de ces hommes avaient été vains. Ils avaient tué le serpent. Ils avaient conduit l'oiseau dans le désert et avaient tiré sur lui. Que pouvaient-ils faire d'autre ? Ils hissèrent le corps dans l'une des voitures et partirent. Plus tard, tandis que je chargeais mes affaires dans ma jeep, une pensée ne cessa de me tracasser. Mon subconscient, en me cachant quelque chose que j'aurais dû comprendre plus tôt, m'avait-il rendu coupable, complice de... Tandis que je partais, je vis Juan debout au faîte du talus. Euménidès, en bonne santé, dessinait des cercles au-dessus de lui. Juan, les bras croisés, debout dans le soleil, me fit penser à un aigle se reposant entre deux vols. Eh bien, ça ne doit pas être si facile que ça, n'est-ce pas, de dresser un faucon pour, pour aller pêcher pêcher ou saisir des serpents. Bon, ben allez, je vous laisse toujours avec ma musique donc d'Alfred Hitchcock. Passez une très très bonne semaine avec Radio Gémozo, bien sûr. À plus tard.